À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir civil par terre, à force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir civil par terre. Fuck it, c'est des déprimés. VALB, VIP. Nos merdes se sont fait primer. Nos merdes devaient se priver. Elles peuvent être fières de leurs gosses. On remplit tout le zénith, pas juste la fosse. Montagne de kids qui m'adore. Sur montagne de kids, je m'endors. Surmonter la mif qui m'appelle. Pour surmonter la distance, faut plus qu'une attelle. On me demande si je vis la belle. On me demande quand est-ce que je rappelle. Je vais monter la belle, démonter ses amelles. De Valet Samuel comme les nouveaux Marvel. Je refuse de vieillir, je vais marquer l'histoire ou voler les allèles de Pharrell. Je crois qu'il faut que t'arrêtes de gratter l'amitié, ouais, je trouve autre chose à faire. Articule un peu, tu auras pour tirer la soupe au chou sa mère. Testicule 1-2, chou pas chou salaire. Trouve la bonne manière. Sous le regard de Dieu, sous la bonne bannière. Ouragan de malaise, tonnerre d'applaudissements comme si je le méritais. Faut que je roule un balèze. Je suis en haut du top, au bord de la falaise. Mon dessin dans le sel de la marée, ma transpiration qui se mélange à l'aquarelle. Je vais sauver la planète, me sauver de l'aquarium. À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir civil par terre. À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir civil par terre. J'ai un manga avec des insultes dans les bulles. Le rap, c'est la philosophie pour les nuls. Là, j'ai mélangé différentes molécules. Fait que je repense à tout ce qu'on aurait pu. On perd les photos, on perd pas les blessures. On perd les poteaux, on perd pas les rayures. Depuis le buzz, tu suces tes Ben Aden sur le vent, je te reconnais plus. Eh, c'est pas la question, c'est déjà la réponse. Mais pas la pression, je me la mets déjà. Je vis la dépression, les larmes de joie, tout en dehors de si. Je suis hypersensible, en dehors de ça, je suis déterminé. Car déterminé, parole n'est sous bois, je pense qu'à les baiser et les rebaiser. Que les baisers. En appliquant des équations, ils ont réussi à restreindre un périmètre et ils ont trouvé son quartier, là où il habitait, avec des probabilités. Et le mec, ils l'ont serré comme ça, en fait. Ils ont posté des mecs et ils l'ont attrapé comme ça, avec des maths, tu vois. Sans, pas besoin de témoins, ouais, de trucs. Ça veut bien dire qu'on a une constante, un truc en nous. On répond déjà à un algorithme. On répond à un... Voilà, c'est ça. C'est un putain d'algorithme. Il y a une espèce d'algorithme de la vie.